الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال العلامة المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى ألا وأعلم عباد الله أن من سننه عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصيام في شهر شعبان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لما أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أخرجه النسائي وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليهما قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في لطائف المعارف وفي هذا الحديث فوائد فيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة وأن ذلك محبوب لله عز وجل انتهى كلامه رحمه الله تعالى فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام في شهر شعبان وقد أمرنا ربنا عز وجل بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما من شهر شعبان فأمنا عائشة رضي الله عنها تخبرنا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الإكثار من الصيام في شهر شعبان حتى قالت رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا كان يصوم شعبان إلا قليلا رواه البخاري ومسلم وفي هذا الشهر الكريم أمر عظيم أخبرنا به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الإمام البخاري في السلسلة الصحيحة من حديث معاذ رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحن هو الذي له شيء على أخيه في قلبه من الحقد أو الحسد أو غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا إلى شهر رمضان وأن يعيننا على عمارة أوقاتنا بطاعته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد. الله سبحانه وتعالى dans son noble livre nous informe que nous avons un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Nous avons un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous cite dans l'explication de ce verset en nous disant que ce verset est une base fondamentale. Ce verset est une grande base quant à l'obligation de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre dans toutes choses, dans ses paroles, ses actions et ses états. Sachez donc, mes chers frères, que parmi ce qui nous a été rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce dans quoi il nous est recommandé de le suivre et de le prendre comme exemple, le fait de beaucoup jeûner dans le mois dans lequel nous venons d'entrer, le mois de Sha'ban, qui est celui qui précède le mois de Ramadan. Usama radiallahu anhu lui a demandé au messager d'Allah: comment se fait-il que je te vois jeûner dans le mois de Sha'ban ce que tu n'es fait pas dans les autres mois? C'est-à-dire qu'il jeûnait extrêmement, il jeûnait beaucoup de jours durant le mois de Sha'ban, bien qu'il jeûnait certains jours dans les autres mois, mais plus encore dans le mois de Sha'ban. Il lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam: le mois de Sha'ban est un mois durant lequel les gens sont distraits. C'est un mois durant lequel les gens sont distraits, insouciant, car il se trouve entre Rajab et Ramadan. Il se trouve entre Rajab, que les gens immensifient, et Ramadan, ce mois dont tout le monde connaît la valeur. Puis il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, selon la traduction: et c'est un mois, c'est-à-dire le mois de Sha'ban, durant lequel nos actions sont élevées auprès d'Allah, sont présentées à Allah. À Allah le Seigneur des mondes. J'aime donc que mes actions soient présentées à Allah, élevées vers lui, en étant en état de jeûne. Donc dans le mois de Sha'ban, c'est un mois durant lequel les gens sont beaucoup insouciants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas faire partie de ces insouciants. Il jeûnait donc durant ce mois. Également, il y a un mérite particulier à adorer Allah azza wa jal dans un moment où les gens sont distraits. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que durant le mois de Sha'ban, les actions sont présentées à Allah Azza wa Jal. Et les savants nous citent qu'il y a trois moments dans lesquels nos actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Un moment chaque jour, un moment chaque année, et c'est le mois de Sha'ban, un moment chaque jour, et un moment et chaque semaine, c'est le jour du jeudi. Et le moment de l'année, c'est durant le mois de Sha'ban. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait cela en étant en état d'adoration, tout comme il le faisait pour le jour du jeudi, il le jeûnait sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous cite dans ce hadith de nombreuses de nombreuses leçons, parmi lesquelles il y a une preuve dans ce hadith du caractère recommandé de remplir les moments d'insouciance d'adoration d'Allah Azza wa Jal. Lorsque les gens sont distraits, il convient d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala, de ne pas faire partie des insouciants. Et celui qui est dans cet état sera bien aimé chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Durant ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait énormément, à un point tel que Aïcha radiallahu anha nous rapporte qu'elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet, et que le mois qu'il jeûnait, ou bien elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet, sauf le mois de Ramadan, sauf le mois de Ramadan. Et le mois qu'il jeûnait le plus après cela était le mois de Sha'ban. Il le jeûnait presque entièrement. Il le jeûnait presque entièrement. Mais ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. On comprend donc de manière claire que parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de beaucoup jeûner dans ce mois-là, dans ce mois-ci, le mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan. Il y a de nombreuses sagesses dans cela. C'est qu'en jeûnant beaucoup durant le mois de Sha'ban, tu vas te préparer, t'apprêter à jeûner le mois de Ramadan, le jeûne obligatoire. Ainsi, tu entreras dans la nouvelle lune, tu entreras dans le nouveau mois, et ce jeûne te sera facilité, le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, et tu en tireras plus profit. Aussi, il y a un hadith que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous cite dans son recueil de hadith authentique. Ce hadith est rapporté par Mu'ad et d'autres compagnons. Dans celui-ci, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque nous arrivons à la moitié du mois de Sha'ban, durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala observe l'ensemble de ses serviteurs et il leur pardonne tous, et il leur pardonne tous sauf celui qui est dans le polythéisme et celui qui a de la rancœur envers son frère, celui qui a de l'animosité ou de l'inimitié à l'égard de son frère. À ces deux-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonne pas. C'est donc un mois durant lequel il nous faut faire des adorations comme durant les autres mois, si ce n'est qu'on doit redoubler d'efforts, en prenant pour exemple dans cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'est parvenu qu'un de nos frères qui fréquente notre mosquée a perdu sa fille ou son enfant âgé de 5 ans. On s'associe à lui dans sa peine, on invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il lui accorde à lui ainsi qu'à sa famille patience et endurance, et qu'il le rétribue avec largesse dans cette lourde épreuve. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuballighana ajma'in shahr ramadan. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et je vous rappelle, comme toujours, le projet de la construction de notre mosquée. On vous demande de dépenser de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a facilité afin qu'on puisse élever cet édifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.